La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France de l'eau. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans le cours que nous avons suivi hier matin, Michel Zinc a lu et commenté plusieurs versions du roman Apollonius de Tyr afin de travailler sur les variantes des énigmes proposées dans le roman. Non seulement en effet, le texte commence et devient possible grâce à une énigme initiale qui porte sur un inceste père-fille, mais toute la suite de l'histoire repose sur des énigmes secondaires jusqu'aux énigmes finales, celles qui vont à la fois boucler et déboucler l'intrigue, celle posée par la fille à son père, par Tarsia à Apollonius, qui à la fois leur donneront les conditions d'un inceste et permettront de l'éviter. Tarsia pose à son père une dizaine de devinettes, toutes plus obscures les unes que les autres, et qui ont un rapport direct avec Apollonius, l'eau, la musique, etc. Ce matin, c'est une des nombreuses versions en langue vernaculaire du roman, retrouvez celle-ci à Bruxelles, qui ouvre la lecture commentée de Michel Zinc. Sire, dit Tarse à Apollonius, or me soler cette question, résolvez-moi cette question. En la terre a une maison qui rend grand oise et grand son, mais s'ils qui sont dedans manants, ceux qui sont habitants à l'intérieur, sont très tout mus et taillisants, sont tous muets et se taisants, et la maison n'est mis qué, et pourtant la maison n'est pas silencieuse, instudicœurt et va s'avouer, mais sans arrêt elle court et suit son chemin, et ceux qui sont manants illuec, je te dis qu'ils cuèrent avec, ils suivent le courant, n'est-ce pas? Ou la seconde, dont la solution est le navire, fait du bois de la forêt. De forêt suis-je ingénie, et si voué à grande compagnie, je me déplace à grande compagnie, les poissons qui sont autour du bateau, je cours tout aussi qu'on me chasse, après-mi ne fait nulle trace. Je me déplace sans arrêt, mais je ne laisse aucune trace derrière moi, puisque le sillage du bateau s'efface. Et Apollonius, donc, je le disais, perçoit ainsi lui-même que les énigmes qui lui sont soumises sont cohérentes avec sa propre histoire et entrent en résonance avec elle. Et le lecteur, qui sait dès le début qui sont les deux personnages en présence, comprend que les devinettes de Tarsia cachent un mystère plus profond que leurs énigmes, celui de la communion de pensée entre le père et la fille, en la circonstance, presque une transmission de pensée, puisque Tarsia, en choisissant ses énigmes, va tout droit aux expériences qui ont jalonné la vie de son père. Et les devinettes de Tarsia, en manifestant combien le père et la fille sont proches, en permettant, si on peut dire, aux réponses du père de s'emboîter exactement dans les questions de la fille, alors qu'ils ignorent tous deux ce qu'ils sont l'un à l'autre, c'est une source de danger. Ces énigmes ne sont pas destinées à dissimuler le crime, comme l'énigme d'Antiochus, mais elles pourraient innocemment pousser au crime. Et seule l'indifférence persistante d'Apollonius au monde extérieur en général et à la jeune fille qui se trouve devant lui en particulier, seule cette indifférence le protège. Si cette indifférence ne le protège pas, d'ailleurs, la chanson de Tarsia qui lui a chanté ses malheurs aurait déjà pu le mettre sur la voie. Il reste que ces énigmes et leur contenu peuvent fonder les analyses très risquées, je dois le dire, auxquelles je m'étais livré il y a près de 25 ans dans l'introduction de mon petit livre. Et je vous prie de m'en excuser, c'est absolument contraire à la règle du Collège de France, c'est pas du nouveau, ça a 25 ans, c'est de moi-même et je l'ai publié, mais je résume très rapidement une partie de mes analyses, parce que si j'en fais l'impasse, il y a tout de même quelque chose qui manque à mon récit. Donc je partais de ce que nous avons vu ici, du caractère très dangereux et très scabreux de ces retrouvailles. La fille, donc la Tarsia, a préservé sa virginité par ses dons musicaux intellectuels, mais elle est tout de même pensionnaire d'une maison close, et c'est à ce titre qu'on la charge de distraire son père. Elle enrichit le tenancier de la maison close de ses gains, et bien plus, comme à la fin de la scène, vous vous en souvenez, comme elle n'a pas réussi à convaincre Apollonius de quitter la cale du navire et de remonter à la lumière du jour, elle essaye de l'entraîner de force, il la repousse violemment, elle tombe, et elle se met à saigner du genou. Et à ce moment-là, elle se plaint et elle dit « Voilà, je suis trop malheureuse, tous les malheurs qui me sont arrivés. » Elle raconte tous ces malheurs, mais de façon explicite, et son père la reconnaît. Et dans la version de Bruxelles, la version où c'est traduit en vers, la version développée avec tellement d'intelligence, d'une certaine façon, Tarsia, après sa chute, se met à saigner non pas du genou, mais du nez. Comme si l'auteur de la version de Bruxelles avait lu Wilhelm Fliess, vous savez, un des premiers psychanalystes qui a écrit un ouvrage sur les relations entre le nez et les organes génitaux féminins. Et le parallèle, si je puis dire, entre cette scène et la scène d'ouverture du roman, où d'une façon un peu choquante et qui a été édulcorée dès la rédaction RB dans certaines versions, la fille d'Antiochus, violée par son père, ne peut cacher le crime parce qu'elle saigne sur le pavé de la chambre, eh bien, lorsqu'on a en tête la scène horrible du début, il est difficile de ne pas attacher d'importance à ce saignement du nez de Tarsia, provoqué par la violence de son père. On va jusqu'au bout de ce à quoi on peut aller dans une scène innocente, si je puis dire, dans ces retrouvailles entre le père et la fille. Et d'ailleurs, dans un autre roman de la fin du Moyen-Âge, et qui est dans l'un des manuscrits, fait suite à Apollonius dans un des manuscrits, le roman de Clériadus et Méliadis, eh bien, dans Clériadus et Méliadis, l'héroïne est prise d'un saignement de nez en reconnaissant sous un travestissement son bien-aimé qu'elle avait cru ne jamais revoir. Et le retrouvant, et voyant que leurs amours pourront peut-être se réaliser, à ce moment-là, elles se mettent à saigner du nez. Et enfin, avec les clients de la maison close, comme avec son père, Tarsia gagne de l'argent sans rien donner en échange, ou sans donner ce qu'elle devrait donner en échange. Les clients la payent sans qu'elle leur sacrifie sa virginité, et Apollonius la paye sans qu'elle soit parvenue à le consoler et le ramener à la lumière, selon le programme et la tâche fixée par le roi de Mytilène, qui avait dit à Tarsia, si tu le ramènes à la lumière, je te donnerai beaucoup d'argent. Et Apollonius, au contraire, la paye pour la récompenser parce qu'elle a chanté, pour les efforts qu'elle a fait, mais sans se laisser consoler pour autant. Encore une fois, mais c'est une remarque que je fais, mais que d'autres ont faite, enfin, je ne sais plus si c'est avant ou après moi, mais peut-être après tout. Mais enfin, elle est tellement simple, quand elle vient à l'esprit de tout le monde, c'est que c'est l'ordre des événements qui rend la situation si délicate. Il suffisait, comme ça se passe dans d'autres récits dont on a déjà parlé, il aurait suffi qu'Apollonius retrouvât sa femme avant sa fille, pour que les retrouvailles avec la fille fussent de toute façon innocentes. Mais l'ordre choisi par le récit laisse planer ce doute. Donc, je commençais par ce rappel, mais j'ajoutais que les devinettes de Tarsia sont en réalité, renvoient donc à la vie d'Apollonius, manifestent cette communion entre le père et la fille, mais sont libératrices et salvatrices. Elles le sont dans leur intention, qui est de guérir Apollonius de sa mélancolie, elles le sont dans le résultat, qui est la reconnaissance du père et de la fille, et en même temps, elles sont libératrices au terme du marché qu'ils ont passé. Car Tarsia commence par chanter devant Apollonius. Apollonius lui donne de l'argent. Elle lui dit « va-t'en ». Elle a donc gagné de l'argent, mais elle a échoué dans sa tâche. Et alors elle insiste et elle dit « maintenant je vais te poser des devinettes. Et si tu ne trouves pas la solution, je te rendrai l'argent que tu m'as donné. Et si tu trouves la solution, je garderai l'argent. » Ce qui est donc l'inverse du marché qu'on attend. Mais c'est un marché habile, parce que du coup, Apollonius est obligé d'écouter les devinettes et d'essayer de les résoudre pour ne pas paraître avare et pour ne pas se déshonorer, en somme, en reprenant à cette malheureuse fille l'argent qu'il lui a donné et qu'il a payé tout de même de quelque chose. Il est donc obligé d'essayer de résoudre les devinettes, et vous avez vu, ça explique sa tournure, si vous y avez pris garde, dès la première, et qui sera répétée ensuite. Il répond avec lassitude, voilà, la solution c'est ça, et je te dis simplement, pour pas que tu croies que je vais récupérer l'argent, ou pour, voilà, je suis bien obligé de te donner la réponse. Bon. Donc, Et sans cesse, il dit que c'est la seule raison pour laquelle il daigne répondre. Mais aussi, avec ses devinettes, Tarsia cherche à multiplier entre Apollonius et elle les liens d'une relation personnelle capable de briser ce mur de solitude, d'indifférence au monde qui enferme Apollonius. Et c'est pourquoi elle lui demande non pas d'échanger l'argent contre la solution des devinettes, mais d'ajouter au don financier qu'il lui a fait, et qui était une première relation, mais une relation qui n'en est pas une, puisque l'argent, comme on le sait, est le substitut de n'importe quoi. Donc l'argent remplace le lien affectif et permet d'éviter le lien affectif, ou un lien d'une autre nature, ou un lien qui engage. Et j'ai payé veut dire je suis libre. Donc, elle lui demande non pas d'échanger contre l'argent, mais d'ajouter au don financier, qui n'est pas grand-chose, un don intellectuel, en prêtant attention à ce qu'elle lui dit, les devinettes, en résolvant les devinettes et en manifestant donc cet accord, cet emboîtement, si je puis dire, des esprits dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, quand elle essaiera de l'entraîner de force, pour l'entraîner de force, elle lui saute au cou, d'une certaine façon. En tout bien tout honneur, mais enfin, elle est obligée, à ce moment-là, d'introduire un contact physique, de l'entraîner. Et, à ce moment-là, il la repousse, mais il la repousse violemment, entraînant une lésion physique, et il y a tout de même, dans ce contact, la source du déversement de la confidence finale qui permettra la reconnaissance. Et ces énigmes sont donc bien une des étapes de la délivrance d'Apollonius, de son enfermement morbide, en même temps qu'une étape vers la reconnaissance du père et de la fille. Et donc le fait qu'elle renvoie aux situations qu'a connues Apollonius au cours de ses aventures, au moment même où elle prépare cette délivrance, prend un sens particulièrement fort. C'est, en somme, à travers les devinettes de Tarsia, Tarsia devine son père, devine ce qu'ont été les épreuves de son père, et dans la libération qu'elle lui prépare, elle inclut toutes ces épreuves douloureuses. C'est tout le passé, toute l'expérience, tout ce qu'a vécu Apollonius qui va ici être englobé dans la délivrance dont il va bénéficier. Alors bon. Donc ça, je le disais un petit peu dans cette introduction, bien que j'en ajoute un petit peu maintenant, et je remarquais à propos de la surdétermination du roman comme un roman de l'eau, qui est marqué par la nature de ces devinettes, que que cette surdétermination est présente dans tout le roman, bien évidemment, avec les naufrages, avec le pêcheur, vous me direz, il arrive au bord de la mer, mais enfin, l'alternative à rencontrer le roi de sirène, c'est d'être l'auxiliaire du pêcheur et de pêcher les poissons avec lui. Lorsqu'il retrouve sa fille à Mytilène, ce n'est pas le jour de n'importe quelle fête, c'est le jour de la fête de Neptune, dieu de la mer. Lorsqu'il retrouve sa femme à Éphèse, la version de Bruxelles, évidemment, erreur que n'aurait commise aucune version antique, la version de Bruxelles parle bien de Diane et dit « Diane, c'est la déesse de la mer ». C'est une erreur curieuse. D'abord, le Moyen-Âge connaît relativement bien la mythologie, et si il y a une erreur qu'on ne commet pas, c'est de dire que Diane est la déesse de la mer. Tout le monde sait que Diane est la sœur d'Apollon, le soleil, la lune, Diane chasseresse, Diane, ce sont les forêts. Tout le monde sait cela. Diane, déesse de la mer, c'est parce que l'auteur de Bruxelles, cet auteur qui a cette sensibilité au texte, et à son sens, se laisse entraîner par un contexte qui fait qu'il est naturel qu'après avoir retrouvé sa fille le jour des fêtes de Neptune, il retrouve sa femme dans le temple de la déesse de la mer. Tout ça tourne autour de l'eau. Dans les épisodes propres à l'adaptation de Bruxelles, là encore, Antiochus met le siège devant Tars, c'est un de ces épisodes guerriers ajoutés par les versions médiévales, et au moment où ses soldats montent à l'assaut de Tars, il meurt noyé. Il tombe à l'eau, il se noie. Là encore, ce n'est pas une mort habituelle dans un roman médiéval pour des soldats ou des chevaliers qui montent à l'assaut d'un rempart, de mourir noyé. Et à la fin du roman, le champion, toujours dans cette version, le champion de la cause d'Apollonius à Antioche, c'est le comte du pays qu'on appelait le Port. Là encore, il pourrait avoir mille noms, ce personnage. Il s'appelle le comte du Port. Son comté est au bord de la mer. Dans l'adaptation de Vienne, le nom de la ville de Cyrène est systématiquement orthographié comme une sirène, la créature marine, S-I-R-E-N-E. Et quoi d'étonnant si dans Périclès, prince de Tyre, Tarsia s'appelle Marina. Et on aurait tort de croire que l'eau est très présente mais est à part, que l'inceste et l'énigme sont évidemment très liés, ça va de soi, mais que l'eau, c'est autre chose. Parce que cette eau de l'histoire d'Apollonius de Tyre est bien une eau mortelle et mortuaire. Elle manque par deux fois d'engloutir Apollonius et l'engloutir lui-même. Elle a englouti sa fortune et son identité, comme il le dit, nous l'avons vu la dernière fois, comme il le dit à la princesse de Cyrène. Elle engloutit, ou elle manque d'engloutir sa femme, qui est abandonnée au péril de la mer. Et lorsque Apollonius croit que Tarsia est morte et qu'il s'enferme dans la cale de son navire, il dit « Jetez-moi dans la cale du navire, car je veux rendre l'esprit dans les ondes, moi à qui il n'a pas été permis de voir la lumière sur la terre. » Et là encore, l'adaptateur de Bruxelles a senti qu'il y avait quelque chose et il donne à la formule un tour encore plus net. « Mettez-moi immédiatement dans la sentine du navire tout seul, je désire mourir dans les ondes et dans les ténèbres, car je ne suis pas si heureux que je dois vivre ni mourir à la lumière. » Et lorsque le roi de Mytilène le supplie de se mêler à la fête, à plusieurs reprises, où il exprime constamment en disant « Passe des ténèbres à la clarté. » Et on pourrait même dire que cette longue chevelure qu'il a refusé de couper depuis 14 ans, et qu'il couvre ses épaules et prend son visage dans la cale du navire, peut évoquer le complexe d'Ophélie, n'est-ce pas, cher à Bachelard, qui associe l'ondoiement de la chevelure et celui des eaux funèbres. Et j'en reviens, là, je citais Gilbert Durand, mais vous savez que Gilbert Durand considère que l'eau est évocatrice de la mort, parce qu'elle coule comme le sang. Eh bien, quelle meilleure illustration que la mort apparente de la princesse de Cyrène, de la femme d'Apollonius, provoquée par les mouvements de la mer qui, par un effet inverse, lui fige le sang. Ces mouvements de la mer, constamment désignés par les énigmes de Tarsia, l'eau qui coule, enfin l'eau de la rivière, mais ça peut être aussi les mouvements de la mer, l'eau qui s'ouvre devant le navire et se referme derrière lui, etc. Et cette action de l'eau sur le sang d'une femme en couche met en évidence la féminité à la fois maternelle et érotique de l'élément qu'est l'eau. Plongé dans l'eau par son naufrage, Apollonius en sort nu comme au jour de sa naissance et pour une nouvelle naissance puisqu'il a perdu son identité. Tarsia est menacée par le péril sexuel qui vient de la mer, puisque ce sont des pirates qui l'enlèvent. Dans la version de Vienne, avant de la vendre au souteneur, ils essayent de la violer en mer. Dans les autres versions, non, parce qu'elle a plus de prix vierge, n'est-ce pas? Mais dans la version de Vienne, ils essayent de la violer, et elle n'est sauvée, je ne dis pas que c'est comique, mais enfin, elle n'est sauvée que par leur précipitation, enfin, qui fait qu'ils y courent tous à la fois, et ils finissent par se battre, et pendant ce temps, elle a la paix. Je suis sur une pente dangereuse, enfin d'ailleurs j'y suis depuis longtemps, mais je ne sais si j'ose relever que dans la version de Vienne, il est question à un moment d'un châtelain, enfin d'un seigneur plutôt, qui possède un château au bord de la mer, n'est-ce pas, battu des flots, et ce personnage s'appelle Sanguin de la Motte, je pense. Et il vaut mieux que je m'arrête, mais vous voyez, c'était ma conclusion à l'époque, que Apollonius, justement par cet engloutissement dans l'eau funèbre, apparaît bien comme un être apollinien. Apollonius, comme Apollon, est un musicien, c'est un maître des mots et de l'intelligence, sa place est en haut dans la lumière, vient des ténèbres à la lumière, comme dit le roi de Mytilène, avec cette symbolique constante comme dans l'évangile de Jean. Et les deux dernières devinettes de Tarsia vont dans ce sens, celle de l'échelle qui conduit vers le ciel ceux qui sont alta petentes, qui désirent s'élever dans les hauteurs, et les roues du char, l'autre dernière devinette, qui pourrait être le char du soleil. Et je définissais à l'époque le roman comme l'histoire d'un personnage solaire, sans cesse menacé par l'eau sombre de la mort qui cherche à l'engloutir, et dans laquelle il s'abîme, en effet, parfois, avant de ressurgir à la lumière. Ou encore, l'histoire de, et il y a là une sorte de coloration religieuse, l'histoire de la lumière volontairement descendue dans les ténèbres de la mort et qui en émerge pour sauver son enfant du péché. Et les connotations spirituelles ou hagiographiques dans cette perspective qui s'enracine dans le mythe, ces connotations viennent tout naturellement. Donc voilà ce que, à l'époque, je tirais de ces énigmes de Tarsia induisant un regard rétrospectif sur l'ensemble du roman, ce que j'en tirais, ce que j'ai un petit peu complété ici. Mais tout cela m'a fait anticiper sur quelques réflexions d'ensemble que je voulais faire pour finir sur ce point, sur l'amour et l'inceste. Donc, nous l'avons vu, l'érotisme n'est présent dans l'Historia que lorsque l'inceste est présent ou lorsqu'il menace. Antiochus et sa fille au début, et d'une certaine façon, Apollonius et Tarsia à la fin. En revanche, il est à peu près absent de ce qui devrait être la véritable histoire d'amour du roman. Apollonius, c'est la fille du roi de Cyrène. Ce sont les versions ultérieures qu'il y introduisent à ce moment-là. Apollonius n'est pas présenté comme étant lui-même amoureux. La princesse avoue son amour avec trop de facilité. Les seules traces d'érotisme sont liées à la transposition ou à la dissimulation, l'harmonie musicale entre Apollonius et la jeune fille, l'énigme transparente par laquelle elle révèle son amour et non celui qu'elle veut épouser. Et ce sont les adaptations vernaculaires, au premier rang desquelles, encore une fois, celle de Bruxelles, qui transformeront en véritable histoire d'amour l'épisode de Sirène, mais toujours du point de vue de la princesse. On ne verra jamais Apollonius consumer d'amour pour elle. Il se laisse aimer et il se laisse épouser. Et de sorte que même lorsque cette histoire d'amour est développée, eh bien, on a l'impression que Apollonius éprouve des sentiments certes purs, mais plus vifs à l'égard de sa fille qu'à l'égard de sa femme. Une histoire, donc, où l'inceste est premier au début de l'histoire, à la source du sens, comme menace permanente, mais en même temps, on ne sait pas trop que faire de cet inceste qui est à la fois présent et marginalisé dans le récit, il est là dès le début de façon massive et choquante, mais pourrait tout de suite évacué, présent et marginalisé dans les représentations médiévales, très présent d'une façon générale dans la littérature médiévale, nous en avons déjà parlé, mais sous des formes qui ne correspondent guère à ce qu'on trouve dans Apollonius de Tyre. Et on le voit bien quand on lit le dernier livre d'Elizabeth Archibald sur l'inceste et l'imagination médiévale. Elle est partie d'Apollonius, puisque c'est son livre sur Apollonius qui l'a conduite à s'intéresser à l'inceste, mais en même temps, tout ce qu'elle dit de l'inceste et qui est extrêmement riche, a peu à voir avec Apollonius. La première ambiguïté touche à la dénomination de l'inceste. Nous disons que c'est un roman de l'inceste, mais le mot n'est employé ni dans l'Historia, ni dans ses traductions ou ses adaptations. C'est nulle part, on ne trouve le mot inceste. Alors, il faut dire que, il est un peu naïf de s'en étonner, ou c'est chercher des effets faciles, parce que, en latin, comme dans les langues vulgaires, le mot inceste ne s'applique pas toujours spécifiquement à des relations sexuelles entre personnes ayant un lien de consanguinité. Mais il peut désigner toute relation sexuelle de caractère criminel ou, plus encore, de caractère impie, c'est-à-dire des relations sexuelles qui violent un interdit très fort. Et dans Ducange, dans le vieux dictionnaire du latin médiéval de Ducange, Ducange cite un glossaire médiéval qui donne à incestare la traduction et les explications suivantes. Dépuceler, c'est violer, corrompre, nonain, ou s'apparente, ou vierge. Vous voyez, il y a une sorte de gradation descendante ou de dégradation, comme si le plus terrible, ce qui est vraiment un inceste, c'est de corrompre, de violer une nonne, une femme consacrée à Dieu. Et puis, ensuite, une femme qui vous est liée par le sang, et enfin, une vierge qui ne vous est pas liée par le sang. Enfin, si c'est une vierge liée par le sang, c'est encore pire. Et à l'inverse, on trouve au Moyen-Âge le mot adultère employé pour désigner des relations incestueuses. Et d'ailleurs, tout cela est parfaitement naturel parce que incestus, c'est in castus. Ça veut dire non chaste. Inceste, et c'est le sens d'ailleurs de l'adjectif incestus, qui veut dire impur, souillé, corrompu, criminel, sacrilège, impudique, débauché, tout ce qui est le contraire de la chasteté, et seulement dans certains cas, dans certains emplois, spécifiquement incestueux. Tandis que le substantif incestus, la quatrième déclinaison, incestus, désigne proprement l'inceste. Et en français, inceste, soit comme substantif, soit comme adjectif, est assez rare, et d'ailleurs n'apparaît, semble-t-il, qu'en moyen français. J'ai regardé les dictionnaires, les glossaires, tout ce qu'on peut regarder, je n'ai pas trouvé d'exemple en ancien français. Il ne désigne pas toujours l'inceste au sens strict, mais il peut désigner, par exemple, l'exemple qui vient de Godefroy, Ninus, honteux de l'inceste, donc comme adjectif, honteux de l'inceste ordure qu'il journellement commettait avec sa mère, dans des chroniques, ou dans les échecs moralisés de Jean de Vignet, Hérode Antipas n'eût pas décollé Saint Jean-Baptiste si le dîner qu'il fit n'eût été plein de gloutonnie et d'inceste. Mais là, c'est ambigu, on met sur le même plan le fait que Hérode avait trop mangé et trop bu quand il a fait décapiter Saint Jean-Baptiste, avait échauffé sa chair et donc son désir pour sa belle-sœur. Bon, c'est un amour incestueux puisque c'est sa belle-sœur, mais au sens assez élargi d'inceste. Ou bien engendrer incestueusement sa propre fille chez Jean le Maire. Alors, on pourrait évidemment poursuivre en s'interrogeant sur la définition de l'inceste au sens strict dans l'Antiquité au Moyen-Âge, ce qui conduirait à examiner le droit romain, le droit germanique, le droit canon et leurs interprétations. On pourrait étudier les mariages entre frères et sœurs dans les familles royales en Égypte et en Perse, je reviens à vous, cher ami, et cet argument s'est souvent invoqué par les Grecs pour montrer la barbarie et l'immoralité des Perses, donc cet inceste royal pour conserver la pureté du sang. Le caractère solaire d'Apollonius, dont je parlais, les liens que l'on soupçonne entre ce récit et des philosophies ou des religions orientales pourraient justifier que l'on s'engageât dans cette voie. Et on pourrait enfin relever les cas d'inceste présents dans la Bible et l'embarras des commentateurs médiévaux, lorsque ces cas d'inceste concernent des personnages qui devraient être au-dessus de tout soupçon, comme Abraham, qui ne fait pas mystère du fait que Sarah est sa sœur, ou qui n'en fait pas assez mystère, hein, puisqu'il invite le roi du pays où il passe à coucher avec Sarah en disant « c'est ma sœur », en oubliant de lui signaler le détail que c'est aussi sa femme, ce qui met ensuite le roi dans l'embarras, comme vous savez. Lorsqu'Absalom tue son frère Amon, parce que Amon avait violé leur sœur Tamar, le roi David, leur père, poursuit Absalom de sa vindicte sans paraître lui reconnaître de circonstances atténuantes. Et j'avais déjà dit que s'agissant des filles de Lot, la solution des commentateurs est de dire qu'elles croyaient à ce moment-là que leur père était le dernier homme survivant sur Terre, hein, qu'il n'y avait qu'une fois que Sodome et Gomorre avaient été foudroyés et qu'il fallait bien donc se résoudre à cette extrémité pour continuer la race, pour assurer la survie de l'espèce. Mais tout cela, ou bien est loin de notre texte, ou bien ne l'éclaire guère vers l'aval, c'est-à-dire ne permettent guère de comprendre comment il a été lu et compris. Même s'il y a à l'arrière-fond ce qui est possible, des allusions aux incestes royaux orientaux, ce n'est pas quelque chose qu'un lecteur et un adaptateur médiéval pouvait comprendre, et ça ne guidait donc pas sa lecture et sa réception du texte. Et au reste, l'inceste père-fille, aux époques qui nous occupent, est universellement condamné, et il n'y a pas à s'interroger sur ce point. En revanche, on est frappé d'une façon générale par l'ambivalence du Moyen-Âge au regard des récits d'inceste. Exemple, l'histoire de Mira dans les Métamorphoses d'Ovid. Mira qui tombe amoureuse de son père et qui se débrouille pour coucher avec son père par ruse. Eh bien, elle est très connue. On la trouve dans les traductions d'Ovid, on la trouve dans l'Ovid moralisé. Mais, à la différence de beaucoup de récits des Métamorphoses, à commencer par l'histoire de Philomèle, de Philoména, qui est bien une histoire d'inceste, mais une histoire d'inceste in law, comme dit l'autre, une histoire d'inceste avec le beau-frère. À la différence de Philomèle, l'histoire de Mira n'a pas eu de postérité médiévale. On l'a traduit, on la connaît, mais l'imagination médiévale ne paraît pas travailler particulièrement sur Mira. L'histoire d'Édipe est évidemment tout aussi connu du Moyen-Âge et plus encore. Tout le monde au Moyen-Âge connaît l'histoire d'Œdipe. Et vous me direz, l'histoire d'Œdipe est abondamment exploitée par le Moyen-Âge. Mais pas vraiment. Ce qui intéresse le Moyen-Âge, c'est l'histoire des enfants d'Œdipe. Beaucoup plus que l'histoire d'Œdipe lui-même. Et l'inceste passe au second plan. Le roman de Thèbes, donc un des premiers romans français, qui est une adaptation de la Thébaïde de Stas, qui est la vulgarisation de l'histoire d'Œdipe en français à une date très ancienne, eh bien, ce n'est pas le roman d'Œdipe, bien que son histoire soit relatée dans les 500 premiers vers. Mais c'est un roman très long. Au début, il y a une sorte de prologue pour raconter l'histoire d'Œdipe, mais ce ne sera pas le sujet du roman. Et ainsi, le Moyen-Âge paraît donc ne pas accorder une importance extrême au récit d'inceste que lui transmet l'Antiquité, mais en même temps, il en produit lui-même, et il en produit en quantité considérable. Et il ne peut s'empêcher de greffer des histoires d'inceste sur l'histoire de ses héros les plus connus et les plus admirables, Charlemagne ou Arthur, comme si il y avait une sorte de pulsion noire qui faisait qu'on ne pouvait pas s'empêcher de noircir ces figures. Arthur, donc, est la naissance de Mordred, et Charlemagne est la naissance de Roland. C'est chaque fois des incestes frères-sœurs, naturellement. Et avec, pour la naissance de Roland, une histoire qui a été très orchestré. Dans le cas d'Arthur, on peut considérer que le péché d'Arthur et la naissance incestueuse de Mordred sont la source du vice de Mordred. Le fait que Mordred, le personnage méchant, est la source lointaine de l'écroulement du monde arthurien. Le péché d'Arthur se paye par l'écroulement de cet univers. C'est une interprétation qui vient nécessairement à l'esprit, qui est tellement naturel qu'on ne peut pas l'écarter, mais qui n'est pas non plus réellement explicite, qui n'est pas du tout explicite dans le texte que nous avons, qui ne peut pas ne pas être suggéré, qui n'est jamais donné. Et dans le cas de Roland, jamais on ne trouve, oui évidemment, ça devait mal finir, c'est pas étonnant qu'il soit mort à Roncevaux alors qu'il était né dans ces conditions, pas du tout. Mais c'est lié à la légende hagiographique de Charlemagne, vous savez, c'est lié à la légende, à la vie de Saint Gilles. Charlemagne ne peut pas prendre sur lui de se confesser de ce péché épouvantable. Donc, la légende n'a pu prendre corps qu'au moment où la doctrine de la pénitence était étoffée, où la confession individuelle existait et était requise. Il ne peut pas prendre sur lui de confesser son péché, et Saint Gilles sait qu'il l'a commis, mais il ne peut pas l'absoudre tant que l'empereur ne l'a pas confessé. Et alors il dit à Charlemagne, confessez-vous par écrit. Et Charlemagne confesse son péché par écrit, Saint Gilles ne lit pas le texte, enfin le petit bref, enfin, en fait, ce qui montre que l'histoire est inventée, puisque vous savez que Eginhard dit que Charlemagne n'a jamais pu apprendre à écrire vraiment, et qu'il cachait des tablettes sous son oreiller, et que tous les soirs, il essayait de tracer des lettres, mais que ça n'a jamais bien marché. Enfin bref, il confesse, il écrit le récit de son péché, Saint-Gilles, sans lire le bref, le pose sur l'autel, se met en prière, et à un moment donné, la foudre tombe sur l'autel et brûle le parchemin. Ce qui est la preuve, le signe que Dieu a pardonné le péché en l'effaçant. Mais j'en reviens donc à ces histoires d'inceste. Si l'on examine ces récits de façon cavalière, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux pour que je puisse songer à entrer dans les détails, ni même à les énumérer tous, et je m'éloignerai trop. Mais si on les regarde de façon globale et synthétique, deux traits frappent particulièrement. Le premier, qui m'a servi d'introduction pour ceux qui viennent au séminaire, lors de la première séance sur le poème des Carmina Burana, c'est l'abondance des histoires d'inceste, y compris d'inceste redoublé, il y en a beaucoup, dans les récits hagiographiques, comme si le pire des péchés était convoqué pour illustrer le mystère des desseins de Dieu et son infinie miséricorde. Et aussi, et surtout, l'efficacité du repentir et de la pénitence, comme on vient de le voir avec Charlemagne. La radicalité de la conversion, c'est le plus grand pécheur, celui qui est chargé du péché le plus horrible, le plus indicible, hein, qui peut se tourner le plus radicalement vers Dieu et devenir son serviteur le plus zélé. Le deuxième trait, c'est que j'avais signalé dès le début et que cessons de répéter, c'est que l'inceste père-fille connaît une fortune extraordinaire dans les récits, les romans, même les chansons de geste au Moyen-Âge, mais en réalité, il n'y a pas d'inceste, car la fille parvient toujours à échapper au désir criminel de son père. Sauf dans deux cas, la vie de saint Alban, qui illustre aussi la relation de l'inceste et de la sainteté, et notre Apollonius de Tyr. Alors, sur le premier point, je donne la relation inceste-sainteté, je donne deux exemples, l'avis du pape Grégoire, et dont il a été question au séminaire déjà, et l'avis de saint Alban, mais l'avis de saint Alban est particulièrement intéressante, et c'est quelque chose là qui n'a pas été, je crois, bien mis en valeur, parce qu'elle a des points communs un peu cachés, mais très forts, avec Apollonius de Tyr. Donc, pour le pape, l'avis du pape Grégoire, dont il y a plusieurs versions, il y a une version en vers français, pour les versions françaises, en vers français du XIIe siècle, en octosyllabes, et puis il y a une version en alexandrin du XIVe siècle. Et l'histoire est la suivante, elle est compliquée, j'ai toujours besoin de me... Un frère, donc un seigneur, meurt en laissant deux enfants, un garçon et une fille. La fille est donc placée sous la protection du garçon. Et ils sont très proches l'un de l'autre, et un jour ils sont tellement proches qu'ils commettent l'irréparable. La jeune fille se trouve enceinte, et à la naissance de l'enfant, qui est un garçon, on l'abandonne sur un esquif, avec de l'argent et de l'or pour son éducation, du sel pour indiquer qu'il n'est pas baptisé, et des tablettes d'ivoire qui racontent ce qui s'est passé, mais de façon anonyme, sans dire qui sont les parents. Et il doit en prendre connaissance à l'âge de 12 ans. Et puis le frère et la sœur se séparent pour expier leur péché. Après, la jeune fille apprend la mort de son frère, et puis bon, il y a un méchant qui convoite le duché ou le comté dont elle hérite, et elle est en butte à un long siège. Pendant ce temps, l'enfant est découvert par un pêcheur, ou deux pêcheurs même, qu'ils conduisent à l'abbé d'un monastère voisin, qui le fait élever, l'abbé le baptise et lui donne le nom de Grégoire. Et il le fait élever par l'un des pêcheurs. Et à 12 ans, il apprend qu'il est un enfant trouvé, et il part, décide de devenir chevalier. Il court le monde, il arrive, il se met au service de celle dont il ignore qu'elle est sa mère, il la débarrasse du méchant qui la siégeait depuis 12 ans, et du coup, il l'épouse. Et de temps en temps, il va lire les tablettes qui révèlent le secret de sa naissance, mais sans dire de qui il est l'enfant. Sa femme voit qu'il s'isole de temps en temps, elle le suit, elle trouve les tablettes, et elle découvre l'horreur, que c'est son second inceste, elle est là avec son fils. Du coup, ils se séparent naturellement et Grégoire se fait emmener sur un rocher au milieu de la mer. Il se fait enchaîner au rocher et on jette la clé des chaînes à la mer. Le temps passe et voilà que le pape vient de mourir et le conclave n'arrive pas à élire un nouveau pape, et à ce moment-là, les cardinaux réunion conclave ont une révélation. Dieu désigne pour pape cet ermite sur son rocher au milieu de la mer. Alors, on y va, les envoyés du conclave débarquent chez le pêcheur qu'il a attaché sur son rocher, etc. Le pêcheur va pêcher un poisson pour savoir dignement ses prélats, et on ouvre le ventre du poisson, qu'est-ce qu'on y trouve? La clé, naturellement, ce qui confirme les intentions du ciel. On va délivrer Grégoire, il devient pape pour le plus grand bien de l'Église. Mais alors, donc, l'Église, à la demande expresse de Dieu, est remise sur le droit chemin par le fils de l'inceste qui avait commis l'inceste. Le tout, de son point de vue, involontairement. Mais le texte précise que ce Grégoire-là n'est pas Saint Grégoire le Grand. Donc, il s'arrête, ce qui n'est pas le cas de toutes les versions, mais certaines versions s'arrêtent au moment de le canoniser et au moment de l'identifier avec le grand pape Grégoire du VIe siècle. D'autres versions n'ont pas ce scrupule et franchissent le pas. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Réalisation Dominique Briffaut, présentation Christine Goémé. France Culture. Qu'est-ce que c'est ? Un disque. Combien coûte ce disque ? Chaque être humain est un émetteur-récepteur qui s'ignore. Mémoire vive. Plaisir. Lebhafte Erinnerung. Mémoire vive. Vous écoutez France Culture. France Culture vous présente. Je n'ai jamais défilé pour quoi que ce soit. C'est non seulement pas pour les messieurs, je n'ai pas défilé pour un parti politique, pour une question française importante. Je ne défile pas. J'ai horreur de ça. Les gens qui se tiennent par la main, qui vont, bon, c'est leur affaire, c'est une autre histoire. Je défilerai un jour. Oui. Le jour où un haut fonctionnaire ou un responsable politique turc ou un ambassadeur de Turquie accepte de défiler avec moi. Là, je défilerai. Et ce sera la seule et unique fois. Charles Aznavour, au fil de 5 entretiens, à Voigny sur France Culture, du 18 au 22 juillet à 17h. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance à 11h30 rendent hommage à Claude Métra, producteur pendant de très longues années à France Culture et qui nous a quittés récemment. Aussi un documentaire qu'il avait réalisé en 1971, Les Demeures d'Albert Durer. Réécoutons cette série dont le quatrième volet s'intitule L'Atelier du Peintre avec Michel Melot. 11h, fiction, feuilleton, les nouvelles